ce n'est rien d'autre qu'une affaire de maquillage. Tu risquerais d'ôter le rouge de ma bouche. Je ne touche personne et personne ne me touche. Je ne touche personne et personne ne me touche. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Orientée à la page, pas pourtant du sort. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Orientée à la page, pas pourtant du sort. Allongée dans ma chambre, distraite, je contemple le téléphone qui sonne et pourtant il me semble bien prévenu, je ne réponds jamais. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Mais je suis sage comme une image, sage comme une image. Orientée à la page, pas pour ton usage. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Je m'ennuie, ce n'est pas vraiment grave. Les petites filles modernes ne pleurent pas car elles savent. Elles n'attendent personne, elles préfèrent jouer seules et apprendre à mener le jeu comme elles le veulent. J'aime me parler, me protège. Il n'y a qu'à les jouer pour que la nuit s'abrège. Les pochettes défilent et j'aimerais assez pouvoir être comme elle de papier glacé. Pouvoir être comme elle de papier glacé. Je suis